Ça se passe bien, tout le monde est hal. Ça se passe bien, tout le monde va yam. Ça se passe bien, tout le monde est hal. Ça se passe bien, tout le monde va yam. Ça se passe bien, tout le monde est hal. Ça se passe bien, tout le monde va yam. Ça se passe bien, tout le monde est hal. Ça se passe bien, tout le monde va yam. Le pourra c'est le bras de Balboa, une seule face de mes KO. Le pourra c'est le bras de Balboa, une seule face de mes KO. Sois pas choqué dans les showcases. Oh oh oh no. Sois pas choqué dans les showcases. Oh oh oh no. Je reviens avec le refrain. On va réveiller toute la capitale. Je récapitule. J'ai le monopole près de chaque éléale. Ok, reprends le refrain. Yeah, écoute ça bien. C'est du rap underground. Underground. C'est du rap underground. Underground. C'est du rap underground. Underground, c'est du rap underground, underground. C'est du rap du street tour, c'est du son qui fait le vautour. On n'est pas les troubadours de Châtelet, mais t'inquiète qu'on est bien placé. On éclate nous dopé, on va pas le baby, on va pas péter le business. Des lâches sont là depuis 10 piges. Est-ce que tu piges? Si t'en comprends pas, je t'enfonce le coton-tige. Je reviens avec le frais, on va réveiller toute la capitale. Je récapitule, j'ai le monopole. Près de chaque éléale. Yeah. Oh no. C'est du rap underground. Underground. C'est du rap underground. Underground. C'est du rap underground. Underground. C'est du rap underground. Underground. Mon rap c'est le bandeau de Rambo. C'est celui qui donne la force et le tempo. C'est du son qui vient de loin, de tellement loin que t'as jamais entendu. Ok, moi plus tard je veux ma maison. Moi plus tard je veux mon jardin. Moi plus tard je veux des enfants. Et moi plus tard je veux être feignant. Je veux être là dans mon fauteuil à 40 balais. En train de compter mes billets, mes bifetons. En train de prendre des cachetons, fumer du bidon. Du rap underground, underground. C'est du rap underground, underground. C'est du rap underground, underground. C'est du rap underground, underground. Underground.